saute, danse, mon papillon aux ailes blanches. Qu'est-ce que t'attends? Retrousse tes manches. Envole-toi, envole-toi. Cours à la chasse avant que le filet t'attrape. Un petit coup d'aile et tu dérapes. Et pas t'en croire. Quelle chance, une fleur s'ouvre devant toi. Cache-toi vite, en silence, sans qu'on te voie. Sous les pétales, le papillon butine la fleur et s'enivre de son odeur. Ah, quel repas! Ah, quel repas! Le vent se lève et le temps se gâte. L'hiver s'engouffre dans ses pattes. Le papillon